Chapitre 3. Fut-il sage? L'été s'écoulait lentement, très lentement, pour le paisible habitant de l'ermitage de Scarsdale, dont les journées monotones n'étaient interrompues par aucun événement, ni presque jamais égayées par aucune communication avec le monde extérieur. Ceux qui prenaient soin de se tenir au courant des habitudes de Pauncefort savaient qu'ils ne recevaient que très rarement des lettres. Le piéton qui apportait les journaux et les lettres à la grande maison se détournait rarement de sa route pour pénétrer dans les fourrés qui cachaient la retraite de Pauncefort. Les journaux étaient envoyés exactement de la station de Roxborough, et par eux seuls, le locataire de Sir Gaspard était au courant des grandes tempêtes politiques et des petites agitations de la marée de la vie humaine. Ce n'était point un homme aimant à causer. Son domestique avait voyagé avec lui pendant 15 ans, dormi sous la même tente dans le désert, reposé près des puits solitaires à l'ombre des montagnes africaines, partagé les dangers creusés par les hommes et par les bêtes, et cependant, il y avait peu de confiance et de familiarité entre le maître et le serviteur. Le domestique gardait sa place aussi bien que si lui et son maître n'avaient jamais quitté Belgravia. C'était un serviteur modèle, un protée domestique, tout à fait exempt de l'habileté prétentieuse et de l'activité bruyante ordinaire à tous nos maîtres Jacques. Il pouvait servir un dîner, panser un cheval, ou préparer l'attirail de la toilette de son maître avec la même promptitude et la même perfection. Mais son service à l'ermitage était des plus faciles. Les habitudes de Pauncefort étaient presque aussi simples que celles d'un anachorète, et il avait une aversion absolue pour toutes les choses qui ressemblaient aux attentions et aux petits soins obséquieux. En vérité, rester assis tard durant la tranquillité solennelle de ces heures glacées qui suivent minuit, à lire dans ses pesants une folio à dos brun ou dans ses bizarres volumes en cuir noir, à fumer pipe sur pipe son tabac de Turquie dans le tuyau noirci de sa pipe en écume de mer, semblait la seule idée des plaisirs domestiques de Pauncefort. Il passait ses jours aérés de tous les côtés, dans cette belle contrée champêtre, entièrement indifférent aux changements de temps et ne s'en inquiétant pas, recherchant les recoins cachés, les villages oubliés du monde, situés dans de vastes pâturages ou enfouis sous un groupe de collines montagneuses. Quelquefois, après avoir fait une longue course dans la campagne, il cherchait un abri pour la nuit dans quelque auberge de village écarté, pas beaucoup plus approprié qu'un débit de bière pour recevoir commodément les voyageurs. Quoique le plus réservé des hommes, Pauncefort pouvait se faire un foyer partout et fumer sa noire compagne dans le coin de n'importe quelle cheminée au milieu d'un petit groupe de rustaux campagnards avec autant de satisfaction apparente que dans la solitude de sa propre chambre. Peut-être était-il plutôt contenu par caractère que réservé. Il était entièrement indépendant de ses semblables, ou du moins aussi peu qu'aucun être humain puisse l'être. Mais sous aucun rapport, il ressemblait au misanthrope de convention. Et si les circonstances l'y forçaient, il pouvait se mettre au niveau des plus communs et des plus ignorants sans que quelque grincement désagréable de sa machine intellectuelle vînt trahir l'effroissement de l'homme lettré. Il n'avait jamais essayé de protéger personne. Il n'avait jamais fait le plus faible effort pour établir sa supériorité sur quelqu'un. Il portait une veste de chasse râpée, des bottes abîmées par un long usage. Mais cependant, il n'avait jamais trouvé de rustre assez grossier, ayant l'intelligence assez obtuse pour méconnaître sa qualité de gentleman. J'ai dit que Pauncefort portait sur toute sa personne l'empreinte de quelques grands chagrins. Elle était assez profondément marquée pour sauter aux yeux des moins clairvoyants. Ce paraissait être un chagrin remontant à un passé éloigné, un chagrin qui avait été dominé et surmonté, mais qui avait laissé le vainqueur affaibli par la lutte, blessé par les coups terribles qu'il avait reçus dans ce long combat, mais cependant pas entièrement brisé. Le temps, en s'écoulant, l'avait aidé à ensevelir sa grande douleur, et il avait fini par piétiner sur son tombeau. Mais les fantômes de si amères angoisses nous hantent longtemps après que nous croyons notre chagrin mort et enterré. Et l'homme appelé George Pauncefort avait son fantôme. En rêve, ou pendant les tristes heures de veille du calme de la nuit, le spectre se dressait de nouveau devant lui. Ses anciennes angoisses le déchiraient. Ses vieilles blessures se rouvraient pour laisser couler de nouveaux torrents de sang. Cet impalpable sang du cœur que nous répondons dans de semblables moments. Vous vous rappelez l'histoire d'un homme, d'un fou autant que je puisse croire, qui, ayant tué son ennemi, le revit toujours aussi longtemps qu'il vécut, à l'anniversaire de cet affreux jour. Sans jamais manquer, le corps de sa victime lui apparaissait à la même date, et il ne savait comment s'en débarrasser. Une fois, c'était en mer. Il l'aperçut dans sa cabine, et fut forcé de faire appel à une force extraordinaire pour le jeter dans l'océan. Un autre anniversaire, il le trouva dans le désert et l'enterra profondément dans le sable brûlant. Mais qu'il l'enterra ou s'en débarrassa n'importe où ni comment. L'année suivante, à jour fixe, le fantôme était toujours là et sa triste besogne devait recommencer. Cette histoire ne semble-t-elle pas une allégorie ? Assurément, il y en a plusieurs parmi nous qui ont tué quelques chagrins et ont fini par l'enterrer. Pas une fois, mais cent. Seulement, nous le retrouvons, qui nous guette, en embuscade, dans la tranquillité de notre chambre. Mais il est possible de sourire et de causer assez gaiement avec nos semblables, en dépit de ce mort qui nous guette et de ce cadavre que nous pouvons trouver à chaque instant dans l'escalier et qui n'est pas assez poli pour borner son horrible apparition un jour fixe de l'année. Les gens au cœur brisé s'arrangent, d'une manière ou d'une autre, à tenir leur place dans le monde. Pendant ce brillant automne, Pansford trouva la vie aussi agréable qu'elle peut l'être, pour un homme qui n'a ni femme, ni enfant, ni père, ni mère, pas même le cœur d'un ami plus précieux que tout le reste. Tout le plaisir qu'on peut tirer de la contemplation solitaire d'un paysage anglais, parmi les taillis et les vallées, les montagnes et les ruisseaux, de l'un des plus beaux comtés de l'Angleterre, était le sien. Toutes les délices qu'un homme peut éprouver à la lecture de ses auteurs favoris et à fumer son tabac préféré étaient aussi les siennes. Ces jours étaient quelque peu monotones, peut-être, très lents dans leur parcours, très courts dans leur ensemble quand ils étaient écoulés, car ils se mêlaient imperceptiblement les uns dans les autres, comme les heures qui passent dans un sommeil sans rêve ne laissent nulle trace derrière elles. Ce fut seulement quand il vit les fougères rougir sous le sombre abri du feuillage des chênes qu'il fut porté à croire qu'il y avait 12 mois qu'il habitait l'ermitage. Oui, octobre était revenu et la première année de location de Pansford était expirée. Très tranquille et très pacifique année, ne laissant pas plus d'intéressants souvenirs après elle que le mémoire du marchand de tabac du West End qui fournissait au locataire de Sir Gaspard sans doute tabac turc. Octobre était revenu, et dès le commencement du mois, Pansford se retrouva encore une fois sur la longue terrasse qui régnait devant l'abbaye de Scarsdale. Une circonstance insignifiante l'avait amené là par un brillant soleil d'été. Une circonstance insignifiante le ramenait encore dans le même endroit par une tranquille après-midi d'octobre. Une des vieilles cheminées massives de l'ermitage menaçait de s'écrouler, et Pansford venait demander à la femme de charge à qui il fallait s'adresser pour faire cette réparation indispensable. Il arrivait d'une de ces expéditions champêtres où il avait passé les 2 derniers jours et les 2 dernières nuits, et à son retour, il avait trouvé le toit de chaume de l'ermitage en grand péril, et la vieille sourde, tourmentée par une vague frayeur d'être enterrée vivante à chaque instant sous la ruine de l'écroulement de l'habitation. C'était seulement à la recherche d'un maçon et d'un fumiste que le locataire de Sir Gaspard venait à l'abbaye à la pâle lumière d'un soleil d'automne. Oui, seulement la recherche d'un maçon et d'un fumiste, et il trouva quoi ? Le premier chapitre du roman de la vie est généralement très banal. Même sur le théâtre, où la beauté et l'idéal sont supposés être supérieurs à la sévère réalité, les plus grandes tragédies commencent par les saluts de convention de 2 gentilshommes se rencontrant dans la rue, ou la plus vulgaire conversation entre le premier citoyen et le second citoyen de la ville. George Pansford était dans une disposition un peu rêveuse cet après-midi-là. Il avait déployé beaucoup d'énergie physique pendant sa course des dernières 48 heures. et une agréable langueur avaient succédé à l'activité d'esprit qui est généralement produite par la marche et l'air des montagnes. Il était agréable, dans cette disposition rêveuse, de s'attarder un peu sur la terrasse et de regarder le soleil rouge disparaître derrière les bois à l'occident tout en se promenant. Les plus grands plaisirs de sa vie étaient du genre de ceci, un vague sentiment de ravissement devant un beau paysage, un doux bonheur en contemplant un brillant soleil couchant. Il restait, les bras croisés, sur la lourde balustrade de pierre, regardant la clarté qui s'affaiblissait, sans avoir la moindre idée qu'il y eût autre chose qu'une longue rangée de blanches croisées derrière lui. Lorsque le grincement d'un gond le tira de cet état délicieux d'esprit, communément appelé « ne penser à rien ». Il se retourna vivement et se trouva face à face avec une femme arrêtée sur le seuil d'une porte vitrée. Un regard jeté sur cette pâle figure, sur laquelle brillait une lumière douteuse, suffit pour lui faire reconnaître la jeune fille. Le petit nez aquilin, le large front, les ondulations des beaux cheveux bruns rejetés derrière une délicate oreille teintée de rose, lui étaient très connus, quoiqu'il ne les ait vus qu'une seule fois dans l'esquisse sans prétention d'une écolière reproduisant son propre profil. Marcette Denison avait une de ces figures dont se ressouviennent toujours ceux qui les ont contemplées, non pour leur beauté, mais à cause de leur individualité. Parmi tous les visages réunis dans une salle de bal, le locataire de Sir Gaspard aurait pu reconnaître celle de la jeune fille dont la mélancolique histoire l'avait charmé pendant les heures oisives d'un jour d'été. C'était une femme avec le parfait aplomb d'une femme bien élevée, et son air et son attitude, tandis qu'elle posait la main sur la fermeture de la porte vitrée, étaient suffisants pour dire à Ponsford qu'elle l'avait ouverte pour lui parler. Il ôta son chapeau et s'approcha d'elle. « Mademoiselle Denison, je pense, » dit-il, et pendant que la gracieuse tête de Marcia s'inclinait doucement en signe d'assentiment, il ajouta « Je me suis permis de m'arrêter juste devant vos fenêtres pour contempler la nature, mais je n'avais nulle idée que la famille peut être de retour. Je venais pour demander quelque chose à la femme de charge de Sir Gaspard. » Papa a entendu parler de la cheminée qui menace de tomber. Il sera bien aise de vous parler à ce sujet. Si vous êtes assez bon pour venir dans sa chambre, il est souffrant et ne peut s'exposer à sortir par ce temps d'automne. Ponsford entra par la porte vitrée sur laquelle Mademoiselle Denison se tenait, et il se trouva dans le cabinet de Sir Gaspard. Le bronze de Neptune se projetait sombrement sur un homme à cheveux gris, paraissant fatigué, qui était à demi couché dans une bergère et dont la tête reposait sur des coussins. Ses traits beaux, quoique fatigués, étaient éclairés par la lueur d'un grand feu de charbon de terre au sommet duquel brûlait une énorme bûche de bois. La chambre était chaude à oppresser, mais Sir Gaspard frissonna et fit un petit mouvement de mauvaise humeur en tournant la tête vers la porte ouverte par laquelle son locataire était entré dans la pièce. « Monsieur Marcia, combien de temps allez-vous laisser cette porte ouverte ?»« Je vous demande pardon, Monsieur Ponsford. Heureux de vous voir et de faire votre connaissance, mais très fâché d'être ainsi exposé au vent d'est. Asseyez-vous, je vous prie. Vous ne vous souciez donc pas de vous approcher du feu ?»« Ah, autrefois j'étais de même. Vous êtes un intrépide marcheur, à ce que j'ai entendu dire. » Un voyageur qui peut se vanter d'avoir éprouvé toutes sortes de terribles aventures. Cela vous plaît, à vous autres. Pour ma part, je n'ai jamais dépassé les limites de la civilisation. La civilisation était 3 ou 4 000 avant de venir à moi, et je ne vois pas pour quelle raison je la fuirais. Marcia, encore du charbon. Marcia posa la main sur la sonnette. Elle était debout, au coin du manteau de la cheminée, son coude posé sur la large tablette de marbre, et à la lueur douteuse du feu, sa grande taille mince, dans un repos si absolu que celui d'une statue, paraissait presque l'image d'une sainte veillant sur un tombeau. Assis dans le coin le plus reculé de la pièce, à quelque distance d'elle, George avait grandement le temps de contempler Marcia. Pendant que le frileux baronnet discutait les conditions du bail de la retraite de son locataire et débattait l'utilité de faire venir un architecte pour examiner les lieux, Cet endroit tombe en décadence depuis les 50 dernières années, dit Sir Gaspard. Il a été rapetassé et replâtré de temps en temps, plus ou moins, d'aussi loin que je puisse me rappeler. J'ai toujours vu les gens du pays se réjouir à la chute d'une cheminée ou à l'écroulement d'un mur, et mettre toutes les dilapidations sur le compte d'un certain gentilhomme en pourpoint de soie, ayant des boucles dorées, tué dans un duel, sous ce toit couvert de lierre. Avez-vous jamais vu quelque apparition à l'Ermitage, Monsieur Pounceford ? Beaucoup, mais pas celle du cavalier à la belle chevelure. Ah ! Vous avez amené vos fantômes avec vous, je suppose. Bien, mon cher monsieur. Nous devons faire de notre mieux pour rendre l'endroit plus convenable en le ajustant et en le raccommodant un peu. En attendant, s'il y a pour vous la moindre crainte de danger, je vous prie de venir prendre vos quartiers dans cette maison, jusqu'à ce que les maçons aient remis les choses en ordre. Je ne balancerai pas à dépenser quelque argent pour restaurer convenablement cette vieille maison, car cette tradition mérite quelque chose. Il y a de sombres taches sur le parquet qui ressemblent fort à du sang. Je n'hésiterai pas à dépenser de l'argent, dis-je, si je pensais que vous eussiez l'intention de garder cette habitation pendant un certain temps. Un respectable locataire, un gentleman seul, d'habitude tranquille, est toujours le désir le plus ardent d'un propriétaire. Sérieusement donc, monsieur Pounceford, combien de temps vous proposez-vous d'habiter l'ermitage ? Pour dire la vérité, sir Gaspard, la question m'embarrasse un peu. J'avais pensé que... Il s'arrêta subitement, et ses yeux noirs s'abaissèrent sur le sol. Car depuis 15 ans, avant cette soirée d'automne, il n'avait pas été l'hôte d'un décent foyer anglais. L'atmosphère du cabinet de sir Gaspard était toute nouvelle pour lui. La douce présence d'une femme bien élevée excitait en lui un léger mouvement de plaisir causé par la nouveauté de la sensation. Depuis 15 ans, il avait voyagé dans les contrées les plus sauvages et les plus solitaires de l'univers. Et la clarté d'un bon feu dans une belle chambre, le frôlement d'une robe de soie de femme, l'éclat vacillant d'un diamant sur une main mince et blanche, était presque aussi étrange pour lui qu'il l'aurait été pour le plus grossier paysan cultivant un champ de navets pour 6 pence par jour sur la propriété de Sir Gaspard. Vous avez l'intention de nous quitter, dit le baronnet, reprenant la phrase interrompue de Pounceford. Je n'en suis pas surpris. L'ermitage est un endroit malheureux, et je ne suppose pas qu'aucun locataire respectable puisse continuer longtemps à demeurer dans ces ruines sombres. Je suis fâché de penser que nous allons vous perdre, car j'avais espéré quelques soirées d'hiver agréables, dans lesquelles vous auriez pu nous gratifier de temps en temps de quelques récits pittoresques de vos aventures en Afrique. J'aurais réellement pris plaisir à ressentir un peu de vos périls et de vos privations par délégation. Que peut-il y avoir de plus délicieux que de vivre pendant 3 jours et 3 nuits sans eau et sans nourriture ? De sentir l'énorme patte d'un lion sur votre poitrine et son souffle brûlant sur votre figure, tandis que la pesanteur et la stagnation de votre sang vous tiennent aussi impuissants que quelques lourds dormeurs sous la pression d'un cauchemar. De passer une demi-douzaine d'heures pour garantir sa chère vie au sommet d'un palmier, avec un soleil tropical d'ardent au-dessus de votre tête découverte, et un tigre affamé rôdant au-dessous de vos talons. Enfin, d'éprouver toutes les sensations et les dangers dont les risques et les angoisses ont été endurés par un autre. Pour être franc avec vous, monsieur Pounceford, je m'imagine qu'il doit y avoir quelques petites sympathies entre vous et moi. J'ai dit adieu au monde, dans les dernières années de ma vie, et j'ai vécu aussi éloigné de mes semblables que peut le faire un homme qui est trop sybarite pour se passer de tout le confortable de la civilisation et trop malade pour ne pas avoir recours à la science médicale. Je pense qu'il doit y avoir un peu de misanthropie dans votre caractère. Sans cela, vous ne seriez pas resté pendant 12 mois dans la solitude des bois de Scarsdale. Cependant, vous n'y pouvez tenir plus longtemps et vous êtes sur le point de nous quitter. Je ne dois pas me tromper beaucoup. Mademoiselle Denison s'était assise sur une chaise basse en face de son père. Une petite table était près d'elle avec un tas de revues et de livres nouveaux. Elle coupait les feuilles d'un écrit périodique avec un coupe-papier dont le manche orné de pierreries brillait en chatoyant à la clarté du feu. Le locataire de Sir Gaspard, sans y songer, se trouve à suivre tous les mouvements de la blanche main qui tenait le coupe-papier brillant. Il y avait si longtemps qu'il n'avait vu une élégante femme assise à un confortable coin de feu, tandis que le vent d'automne gémissait tristement dans l'obscurité extérieure, au-delà des fenêtres dont les rideaux étaient tirés, comme quelque malheureux banni, exilé pour toujours du saint abri du foyer. Il regardait cette figure calme, dont les lignes harmonieuses se fondaient les unes dans les autres et se confondaient imperceptiblement avec les ombres chaudes de l'arrière-plan, presque comme s'il regardait un tableau. Il contemplait cette tranquille figure et se souvenait de l'histoire de l'enfance de Marcia Denison. La fille négligée s'était changée en une élégante femme, ayant une certaine beauté calme qui lui était particulière, une beauté de forme plutôt que de couleur et d'expression. Il y a des plantes qui fleurissent sans soleil, mais elles ne produisent généralement que des fleurs pâles et fragiles. Marcia était devenue femme sans la chaude lumière de l'affection, et George était convaincu qu'un étranger pouvait lire une partie de son histoire dans sa figure et ses manières. Sa parfaite possession d'elle-même, son gracieux repos, semblaient être les attributs naturels d'une femme dont la vie avait été exempte de toute émotion passionnée. Aucune des souffrances atroces de la jalousie n'avait déchiré son sein. Les espérances et les craintes, les pénibles incertitudes, les doutes affreux qui accompagnent les plus heureuses affections de la terre n'avaient jamais fait sortir sa nature de son placide repos. En élégante femme, comme une lady dans le sens le plus élevé du mot, Marcia contemplait tranquillement le monde qui lui avait donné peu de joie et pouvait à peine lui faire éprouver dorénavant quelques grands chagrins. Pansford hésitait un peu avant de répondre au discours très amical de Sir Gaspard. Le coupe-papier continuait à travailler activement. La blanche main paraissait et disparaissait comme la flamme s'échappe tout à coup d'une bûche qui s'allume et lui donne la vie pour disparaître dans les ténèbres, fantastiques et agitées comme les mains des esprits dont on a tant parlé jadis. J'ai eu certainement la pensée de quitter cette partie du pays, dit à la fin George, mais je n'ai point encore décidé quand je m'en irai et où j'irai. J'ai voyagé si longtemps que je crains que la vie anglaise ne me semble un peu pâle et un peu monotone. Cependant, la solitude de mon habitation actuelle ne m'a jamais été désagréable. J'aime les livres et ma pipe, et je préfère une promenade matinale dans un vaste et grand pâturage à tous les plaisirs de l'univers. Quelques raisons me porteraient à quitter l'ermitage. Peut-être n'y en a-t-il qu'une seule, réelle. Et j'ai plusieurs motifs pour m'y retenir. Sir Gaspard, voulez-vous me permettre de vous faire une question, et croyez-moi, quand je vous assure que ce n'est pas une question indiscrète. De tout mon cœur. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez retiré du monde. Dois-je donner une signification véritable à cette expression, ou en d'autres termes, dois-je conclure que vous n'avez pas l'intention de remplir l'abbaye de visiteurs? Je sais que je n'ai aucun droit à vous faire une telle question. Mais un des principaux charmes de l'ermitage a été d'être vraiment un ermitage. Je suis assez misanthrope pour craindre l'invasion de jeunes chasseurs dans les fougères et les bois qui entourent ma tanière. Alors vous pouvez bannir toute crainte à ce sujet, répondit le baronnet avec décision. Vous avez sans doute entendu dire qu'un grand chagrin est venu fondre sur moi il y a quelques années. Depuis ce temps, j'ai mené une vie solitaire, soit dans un endroit, soit dans un autre. Ma fille Marcia a été assez bonne pour endurer toutes mes fantaisies et se priver de tous les rapports avec le monde et de tous les plaisirs qu'on suppose nécessaires au bonheur d'une jeune personne. Elle a des parents qui seraient bien aises qu'elle eût un intérieur plus convenable et plus brillant, mais elle est assez tendre pour préférer rester avec moi. Vous n'avez pas à craindre l'arrivée de jeunes chasseurs parmi les fougères, monsieur Pansford. Je n'ai pas l'intention de remplir ma maison de gens dont je ne me soucie pas du tout et de ruiner ma santé dans le puéril essai de soutenir la réputation populaire d'un bon vieux propriétaire anglais. Je suis revenu à Scarsdale parce que j'ai été tout à fait fatigué du reste du monde et que je pense que je puis mener la vie qui me convient en dépit des propos et des froncements de sourcils de tout le comté. Je ne crois pas, malgré qu'on en dise, qu'un homme riche doive quelque chose à la société et que je sois obligé de jeter ma maison par les fenêtres afin qu'il y ait orgie et gaspillage dans l'office des domestiques et grand profit pour les marchands de Roxborough. J'imagine qu'un homme a le droit de régler sa vie à sa guise et de supporter son fardeau à sa manière. Il n'y a qu'un bouffon à gage qui s'est obligé de rentrer ses larmes et d'être joyeux pour plaire à son auditoire. Non, monsieur Pansford, on ne sonnera pas les grosses cloches à l'abbaye parce que Marcia et moi sommes revenus. L'abbaye restera une bonne grande maison vide, avec deux très tranquilles habitants, qui seront toujours très heureux de vous voir quand la sociabilité naturelle et le devoir de vous grouper s'empareront de vous et qui ne s'offenseront pas davantage quand, dans d'autres temps, vous porterez vos pas ailleurs. Voilà donc une chose arrangée. Vous resterez. Et j'enverrai le maçon et le fumiste replâtrer l'ermitage demain. Vous êtes bien bon. Oui, je considère la chose arrangée pour quelque temps encore. Si vous voulez me louer pour plusieurs années, pas du tout. Un locataire de bonne volonté est une agréable connaissance et je serai enchanté de le garder. Mais un locataire de mauvaise volonté peut secouer la poussière de Scarsdale de ses souliers dès que cela lui fera plaisir de le faire. Voulez-vous dîner avec nous aujourd'hui? Le second coup de cloche sonnera dans 5 minutes. Bah, s'écria Sir Gaspard, répondant au regard indécis avec lequel Pansford regardait les manches crasseuses de sa veste de chasse. Ne vous inquiétez jamais de votre habillement. Vous imaginez-vous que je ne pourrais prendre plaisir à votre société parce que vous ne porterez pas méthodiquement l'habit à queue d'hirondelle et une cravate en batiste? Pour ma part, je dîne en robe de chambre. Je dois me contenter des quelques pitoyables ripopées prescrites par mon médecin. Il y a du poisson et un poulet, je pense, pour ma fille, et si vous appréciez les légers vins du Rhin, vous ne vous plaindrez pas de ma cave. » Une grande cloche suspendue au haut d'une coupole aérienne retentit dans la nuit, et un vieux sommelier à l'air majestueux annonça le dîner presque au même moment. « Venez, monsieur Pansford, nous sommes de la famille de Diogène. Je vous en prie, qu'il n'y ait aucune cérémonie entre nous. Donnez le bras, ma fille, et ne songez plus à votre veste de chasse. » Le baronnet quitta sa bergère et se tint debout devant le foyer. C'était un grand corps paraissant cassé dans une robe de chambre de velours rubis qui ressemblait plutôt à la robe de quelque alchimiste ou de quelque astrologue des siècles plongés dans l'ignorance qu'un costume de gentilhomme campagnard au temps de Bjork. Pansford offrit son bras à Marcia presque involontairement, car il était plus disposé à refuser qu'à accepter l'invitation de son propriétaire. Et la minute d'après, il suivait Sir Gaspard à la salle à manger avec la fille de ce dernier à son bras. « Je vous assure que c'est réellement une œuvre charitable de rester avec papa, » dit-elle durant le court trajet du cabinet à la salle à manger. « Il est toujours beaucoup mieux quand il a une société agréable. » Ils dînèrent dans une petite pièce lambrissée en chêne à l'un des bouts du corridor. Et avant que le poisson fût emporté, Pansford se trouva tout à fait à l'aise dans la société où il était si inopinément jeté. Sir Gaspard s'épanouissait sous l'influence d'une sole bouillie et d'un verre de hock. C'était un homme qui aimait à s'écouter parler et qui causait très bien, d'une manière un peu superficielle, sur toute chose et sur chaque chose. Il avait, comme tout véritable causeur, la faculté instinctive de découvrir les bons écouteurs. Et il en avait trouvé un dans Pansford. Non pas un stupide écouteur qui vous regarde fixement avec admiration, se débat horriblement pour tâcher de vous répondre et révèle trop clairement par là qu'il n'a pas entendu un mot de ce que vous lui avez dit. Ni un auditeur absorbé en lui-même qui s'abandonne à ses propres réflexions pendant que vous lui parlez et lance un « Dieu ait pitié de mon âme » avec un sourire insignifiant quand tout à coup il vous arrive de faire une pause. Pansford était d'un métal de bon aloi, un auditeur recueilli qui pèse chaque mot que vous lui dites et s'élève contre vos théories favorites avec toute la force d'une vigoureuse intelligence et tout l'esprit d'un homme né orateur. La figure de Sir Gaspard s'enflammait pendant que le dîner s'avançait, car il s'imaginait qu'il avait enfin trouvé l'être qu'il cherchait depuis longtemps, une compagnie, un homme dont les habitudes solitaires ressemblaient aux siennes et qui, pour entrer dans la vue de son hôte, n'avait pas besoin de sortir des siennes. Nous nous convenons l'un à l'autre. Oui, j'ai la hardiesse de penser que nous nous conviendrons, monsieur Pansford, dit Sir Gaspard, quand le majestueux sommelier et son subordonné furent partis en laissant sur la table un dessert sans prétention, composé de grosses poires rondes et de pêches aux couleurs vermeilles. Marcia, Je crois que j'ai vraiment découvert une connaissance qui me comprendra, et que je serai capable de comprendre. Vous pouvez sourire, mon cher monsieur, mais je vous assure que l'expérience d'un très triste exil m'a appris combien il est rare de trouver une connaissance qui puisse sympathiser avec vous. Je devrais dire un ami, car le mot a une légère saveur de mon goût. Mais il me semble qu'on entend généralement par ce mot intime ami, un homme qui devient amoureux de la femme que vous désirez épouser, qui vous gagne tout votre argent à l'écarté et vous envoie une balle dans les poumons avant le lever du soleil par une froide matinée dans un champ marécageux sur la côte d'Essex. Oui, une connaissance qui vous est sympathique est le véritable rara avis, l'impossible oiseau qu'on trouve rarement dans aucun nid terrestre. Tant que j'ai vécu dans le monde, je me suis contenté de prendre mes compagnons pour ce qu'ils valaient. Un dîner, en haut d'une longue table, peu importe un maître de maison ce que ses convives peuvent valoir en détail. Il a seulement besoin qu'en gros ils soient des invités décents. S'ils ne sont que suffisamment bruyants, si l'un d'eux raconte une petite histoire de chasse contre le possesseur d'une meute tribale, si un autre répète le dernier canard en circulation dans Belgravia, s'il n'y a aucune de ces tristes pauses pendant lesquelles une espèce de paralysie mentale semble s'emparer de chacun, il n'a pas le droit de se plaindre. Mais quand un homme se moque du monde et de ses folies, qu'il se retire dans son chenil et soupire après une visite d'occasion de quelques parents cyniques, alors survient la difficulté. Il trouve seulement d'ennuyeux personnages absorbés dans le seul plaisir de leur existence, des Paganini intellectuels qui ne se servent jamais que d'une seule corde, des artistes qui ne parlent que d'art, des littérateurs qui ne causent que de littérature, des économistes politiques qui sont les éditions ambulantes de Stuart Mill et de McCuller, des agriculteurs qui parlent à mort d'exploitation à vapeur et de l'utilisation des égouts, comme si un homme qui a rompu avec le monde pouvait s'intéresser à ce que le monde fait de ses égouts. Je n'étais qu'un Diogène et jusqu'à ce soir je n'avais jamais rencontré quelqu'un dont les goûts mêmes eussent quelque ressemblance avec les miens. Il y avait longtemps que Martial n'avait vu son père aussi expansif qu'il était ce soir-là. Ses yeux gris foncés brillaient en le regardant, et George, assis en face d'elle, en lui jetant de temps en temps un regard de sollicitude, voyait qu'elle était heureuse du plaisir de son père. Ils retournèrent au cabinet après le dîner, et en allant et en venant, Martial prépara le thé pour son hôte et pour son père. Assis sur une luxueuse chaise basse, près d'un grand feu de bois, à quelques pas de cette apparition féminine, à la figure pâle et pensive, dont les mains étaient employées à cette occupation qui rend une femme plus charmante en la rendant encore plus femme, il semblait au locataire de Sir Gaspard que les 20 dernières années de sa vie étaient retranchées et qu'il était encore une fois un jeune homme avec toute la fraîcheur d'esprit et l'heureuse confiance de la jeunesse pour croire au mérite des êtres charmants. Oui, toutes sortes de frais et agréables sentiments revinrent animer ce voyageur brisé et fatigué des déserts de l'Afrique. Il revint, ses sentiments d'amour et de paix, si longtemps absents, si près d'être oubliés, et chassèrent les méchants et sombres habitants de la demeure qu'ils avaient si longtemps envahie. La figure de cet homme semblait adoucie. À vrai dire, c'était un visage qui s'adoucissait toujours quand il souriait ou parlait aux femmes et aux enfants. Sa voix, en tout temps sonore et musical, se changeait en une musique plus basse et plus douce depuis qu'il était assis dans le cabinet de Sir Gaspard, discourant gravement et d'une manière spéculative sur l'emplacement des empires disparus dont les fantastiques splendeurs n'avaient laissé d'autre place qu'un temple ruiné, quelques bizarres hiéroglyphes ou une pierre brisée. La grande horloge des écuries de Scarsdale sonnait 11 heures comme Pauncefort quittait l'abbaye. Il retourna lentement chez lui au clair de lune, pensant à cette tranquille soirée avec une sensation où l'étonnement se mêlait d'une manière étrange à une vague frayeur. « J'avais si résolument enfoncé ma figure dans les ténèbres, » pensait-il alors. « J'avais si bien appris à supporter tout ce qu'elles ont de plus affreux. Est-il sage de laisser pénétrer jusqu'à moi un accidentel rayon de lumière ?